Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et un petit clin d'œil pour démarrer cette émission, Franck, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et oui, un clin d'œil à nos auditeurs. Bien sûr. Ils sont tellement fidèles, alors merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux, même de plus en plus, à nous écouter, c'est très agréable. Et puis, merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast, parce que pour tout vous dire, il y a 15 jours ou 3 semaines maintenant, nous avons battu tous les records et vous êtes vraiment très nombreux, 50% d'augmentation de téléchargement, comme on dit. Alors voilà, tout ça fait chaud au cœur et au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Direction Venise pour une émission au cœur de la célèbre histoire de la Sérénissime. Et oui, la Sérénissime République, c'est ainsi qu'on appelait cet État indépendant, autrefois très puissant, qui régnait sur toute cette partie du monde, sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et dont ne reste aujourd'hui évidemment qu'une ville de province. Mais alors, quelle ville, la beauté sur terre. Et ce n'est pas Chantal qui souhaitait une émission sur la Venise des peintres qui dira le contraire. Je vais lui donner doublement satisfaction aujourd'hui puisque le bel album de Jean-Claude Simoen est précisément s'appuie sur les regards des peintres et sur tous les tableaux, toutes les lumières de Venise. Je lui ai demandé à Jean-Claude d'être notre gondolier cet après-midi, en tout cas notre guide à travers les canaux de Venise. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marie sur l'origine du classement des rois de France. Ça paraît aller de soi, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Pour le moment, je vous propose de couper le moteur du bateau-taxi et d'approcher le plus tranquillement possible d'un palais hanté sur le Grand Canal. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous permet d'oublier que vous vivez à l'époque des chemins de fer et des tramways, mais elle n'est pas seulement une ville d'art et de passé, elle a aussi une vie actuelle et quotidienne où se superposent l'hier et l'aujourd'hui, et ce mélange est un de ses charmes, écrivait Henri de Régnier. Elle continue humblement sa glorieuse destinée, elle n'est pas toute aux touristes et sa vie populaire est charmante à observer. Si vous êtes en route vers quelque église ou quelque musée et que vous vous arrêtiez à telle silhouette pittoresque, à tel amusant détail, ne considérez pas cela comme du temps perdu. Vous n'êtes pas sous la conduite de Cook et sous la domination de Baedeker. Obéissez à votre fantaisie, au libre cours de vos pensées, à vos goûts. Et en attendant, on aurait envie d'ajouter, laissez-vous guider par votre inspiration et laissez-vous perdre à travers les ruelles, les petits campi, à travers cette espèce de lacet extraordinaire des rues et des canaux de Venise. Henri de Régnier, le grand poète, avait l'habitude de séjourner à Venise à la fin du 19e siècle. Il s'y était retiré en ermite, loin des hommes, mais si proche de Venise, disait-il. Ses livres et ses carnets de notes témoignent de son intérêt pour l'endroit. Et dans les esquisses vénitiennes, il écrit « Le soir, le palais Dario a l'air d'une ruine hantée, avec ses fenêtres lumineuses et sa façade de marbre pâle. La nuit, c'est une sorte de ruine funèbre, fardée comme pour un carnaval et qui penche dans l'eau. Une zone d'ombre et de silence coiffe tout l'édifice, malgré les éclairages de théâtre. » Ces sentiments étranges ont une conséquence sur son caractère puisqu'il va décider de fuir le palais Dario, mais il est condamné à rester dans sa chambre alité avant de pouvoir rentrer en France. Il racontera dans la vie vénitienne « J'étais couché dans la haute chambre du palais Dario, je ne souffrais pas, je sentais en moi la brûlante présence de la fièvre. Parfois, la fièvre survenait encore avec le crépuscule et je constatais avec patience sa longue montée. » En vérité, ce palais Dario a mauvaise réputation, il faut le dire, et Peut-être que c'est ce qu'avait ressenti Henri de Régnier, c'est avec sa sensibilité de poète. Ce palais fait partie de ceux qui bordent le Grand Canal. On est sur la rive droite du Grand Canal, on est dans Dorso-Douro, qui est un des sestieres et un des quartiers de la ville. Voilà comment Jean-Paul Bourg nous le présente, ce palais. On reconnaît le palais Dario à ses hautes cheminées vénitiennes, dit-il, les mêmes que sur les peintures de Carpaccio, et à sa silhouette penchée qui évoque la tour de Pise, à sa façade mauresque poudrée comme une fille des rues. Décidément, cette idée de poudre et de poudroiement revient naturellement sous la plume des écrivains parlant de cette maison tellement ancienne et qui a presque un côté un peu irréel comme ça. Le palais, nous dit-il, n'a pas le côté imposant et solennel des autres palais de Venise qui bordent le Grand Canal. Il s'élève tout en finesse sur 3 étages et il est souvent décrit comme l'un des palais les plus exotiques de Venise. Son orientation côté nord lui donne parfois l'air d'une tour crénelée, noyée dans l'ombre, mais la lumière bouge très vite à Venise et il reprend son allure exotique qui est un mélange d'art mauresque et de gothique flamboyant. À l'arrière, le palais Dario donne sur une petite place ombragée qui s'appelle le Campiero Barbaro, où se situe le palais, le Palazzo des Barbaro. Donc les deux palais, on peut dire, quasiment se touchent. Et si aujourd'hui le palais Dario est facile d'accès, parce qu'il suffit d'emprunter le pont de l'Académie, qui est un grand pont en bois, vous savez, très large, très confortable, et qui permet d'accéder directement, presque directement au palais, pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Pour se rendre au palais Dario, il fallait se perdre dans les ruelles, il fallait enjamber des canaux pour finalement atteindre le Campiello Barbaro, ou alors il fallait traverser le Grand Canal sur une gondole, ou plutôt ces espèces de grandes gondoles particulières qu'on appelle traghetto, et qui servent en quelque sorte de navettes qui font le bac à travers le Grand Canal. Ce palais, vous l'aurez compris, n'est pas un palais comme les autres. En effet, et je vous annonce tout de suite la couleur, un grand nombre de ses propriétaires sont morts de morts violentes. Il semblerait, c'est en tout cas, mais je vous assure que quand on est à Venise, c'est une légende avec laquelle on ne plaisante pas du tout, il semblerait que la Cadario, comme on l'appelle, soit totalement hantée, qu'elle porte malheur, qu'elle soit l'objet d'une véritable malédiction. Certains de ses propriétaires ont été assassinés, d'autres se sont suicidés, d'autres sont morts dans la misère. La première victime de cette espèce de malédiction n'est autre que le fondateur même du palais, Giovanni Dario, et ça nous ramène au XVe siècle. De la symphonie numéro 4 composée par Félix Mendelssohn sur Europe 1. Revenons italienne. Vous, italienne, précisons. Revenons justement avec vous, Franck Ferrand, à l'étrange malédiction du palais Dario. Giovanni Dario est un personnage puissant en cette toute fin du Moyen-Âge qui déjà à Venise prend de fortes allures de renaissance. C'est un diplomate, un marchand, qui n'est pas diplomate et qui n'est pas marchand dans la bonne société viennoise. Il fait partie du Grand Conseil, bien entendu, qui siège au Palais des Doges. Et comme les personnes de son rang, il n'hésite pas, lorsqu'il le faut, à utiliser la célèbre boîte de dénonciation qui est placée à l'entrée du Palais des Doges pour essayer de faire tomber un certain nombre de rivaux, ou en tout cas les alliés des rivaux. Il est nommé ambassadeur de Venise à Constantinople. C'est une mission que lui a confiée le Sénat. Il s'agit pour lui de négocier un traité de paix auprès du sultan Mehmet II, Mehmet le conquérant. Hein. On est en 1479, on n'est pas longtemps du tout après la chute de Constantinople. Il va ramener ce traité donc à Venise en 1479, un traité qui comporte les exigences turques accepté au nom du doge et des grandes familles du Sénat. En 1492, son fils, Vincenzo Barbaro, va rencontrer la fille de Dario, Marietta Dario. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le diplomate a quelques problèmes lors de son retour dans la Sérénissime parce que le texte qu'il a signé ne convient pas du tout au sénateur. La Sérénissime, il faut vous le dire, doit perdre toute une partie de ses possessions orientales. Elle s'engage à payer 10 000 ducats chaque année au sultan pour pouvoir commercer en mer Noire. Vous comprenez bien que, évidemment, ce n'est pas exactement ce qui avait été prévu. Néanmoins, pour Dario, c'est une victoire et dans son futur palais, il aura un tableau du sultan de Constantinople en train de poser pour le peintre Giovanni Bellini. L'année suivante, en 1480, Dario décide la construction du palais. Il reçoit sur l'Altana, la terrasse du palais, hein, c'est le nom qu'on donne à la terrasse, l'Altana. Il reçoit l'architecte Pietro Lombardo, fasciné par la science des bâtisseurs templiers, Andrea Loredan, le propriétaire du palais Vendramin, dont la famille avait fait graver la devise templière, Mario Sanudo, l'auteur des diaries, des écrivains, des théologiens, des mystiques spécialistes de la Kabbale, comme l'ambassadeur turc, nous dit Jean-Paul Bourg. Cet architecte, Pietro Lombardo, n'est pas n'importe qui. Il a sculpté le tombeau de Dante, Dante qui appartenait à une société secrète, et lui-même a fait partie de ces architectes sélectionnés par l'ordre du Temple. Donc vous voyez que d'emblée, dans les plans même de ce qui va devenir le palais Dario, la Ca Dario, flotte comme un air, comme un mystère, et il y a comme un parfum de soufre dans tout ça. Parmi les trésors de Giovanni Dario, conservés dans la bibliothèque du palais, on trouve un traité arabe d'économie dont le texte est cité dans les chroniques de Sanudo. Je cite « La transmission économique à distance constitue l'un des enjeux de l'humanité. Grâce à elle, l'homme pourra maîtriser les espaces maritimes et désertiques. Elle l'affranchira de la nécessité de creuser, de transporter et de brûler des matériaux. Elle fera du soleil son glorieux serviteur, son esclave servile. » Voyez l'ambition du bonhomme quand même. On est dans cette ville qui est une plaque tournante pour la diplomatie, pour le commerce, etc. Mais Dario se voit déjà régentant en quelque sorte le commerce sur l'ensemble du bassin. Un autre homme très puissant, Francesco Barbaro, lui aussi descend d'une grande lignée, en l'occurrence une lignée militaire de Venise. Ce Barbaro s'intéresse au palais Dario, bien il ne soit pas question du tout pour Dario de se séparer de son trésor. Il se trouve que, je vous le disais, en 1492, le fils de Barbaro va rencontrer la fille de Dario, Marietta. C'est un petit peu l'histoire des Montaigu et des Capulet, d'une certaine manière. Et c'est là que va commencer la série des étranges décès. Cette même année 1492, Francesco Barbaro est assassiné. Il a été poignardé, il est retrouvé au fond de son jardin. Et puis un petit peu après, Giovanni Dario fait faillite. La descente aux enfers est brutale. Il va d'ailleurs perdre sa place au Grand Conseil. Vous savez, il vaut mieux ne pas faire faillite dans la Venise de l'époque. Donc il est un peu chassé de toutes les instances officielles. Et finalement, très peu de temps après, en 1494, il va mourir. Et puis, selon les chroniques de la Venise populaire, la fille de Dario, la fameuse Marietta, celle qui a épousé Vincenzo Barbaro, s'est enfermée dans une des pièces du palais et s'y est laissée mourir de faim. On est là en 1515. En fait, il est beaucoup plus vraisemblable que ce soit Vincenzo Barbaro, son mari, le nouveau propriétaire du palais, qui ait emmuré sa femme et qu'il l'ait laissé mourir de faim pour des circonstances qui aujourd'hui encore restent tout à fait obscures. Marietta a laissé un testament dans lequel elle demande que le palais Dario ne soit pas mis en vente mais soit loué à l'année aux délégations d'ambassadeurs turcs. Référence évidemment au succès ou demi ou quart de succès diplomatique de son père. Le palais, à ce moment-là, devient une ambassade ottomane. Avec la présence des Turcs, le palais va connaître un certain nombre d'années, on peut dire sans incident particulier. Ils sont en quelque sorte les gardiens neutres des lieux. En tout cas, la chronique n'a pas retenu de mort suspecte pendant cette période. Mais vous allez voir, ça n'est pas fini. Au cours du XVIIe siècle, un Barbaro, donc du palais tout à fait voisin, Giacomo Barbaro, qui est nommé gouverneur de l'île de Crète, s'installe au palais. Il est nommé gouverneur de la Crète parce qu'à l'époque, la Crète appartient aux Vénitiens. C'est comme ça depuis le XIIe siècle et un grand nombre des îles de la Méditerranée qui sont directement vénitiennes. Dans cette île, on retrouve la fameuse influence templière dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous savez qu'on dit que l'ordre du temple a essayé de décrypter le labyrinthe de l'île de Crète, le labyrinthe du Minotaure. Pendant ce temps, Giovanni Capello, qui est chevalier de l'ordre de Malte, a un but, c'est de déclencher une guerre contre les Turcs. En 1644, 6 galères des chevaliers de l'ordre de Malte attaquent un convoi de pèlerins turcs en route pour la Mecque et abordent l'île de Crète avec leurs prisonniers. Les 6 galères qui débarquent, vous imaginez, les Ottomans décident de mettre le cap sur la Crète avec une armada de 400 voiles, 50 000 guerriers, le gouverneur de l'île, donc notre propriétaire du palais Dario, hein, Giacomo Barbaro, est assassiné pendant le siège de l'île sur une route, mais pas par les Turcs, par un tueur dont on ne sait pas d'où il sortait. Il y a encore une fois un grand mystère autour de cette mort bizarre. La Crète à cette époque-là est occupée par les Ottomans, et après la mort donc de Giovanni Barbaro, Giovanni Capello parle aux Turcs et se fait annoncer comme ambassadeur envoyé par le Grand Conseil de Venise. Les Turcs ne sont pas dupes. Ils ont très bien compris qui est véritablement Capello, qui sera enfermé dans la forteresse d'Andrinople, où il meurt après avoir été torturé, comme vous pouvez l'imaginer. Les Ottomans arrachent la Crète en 1669 et une nouvelle fois, le palais Dario se retrouve sans propriétaire. Et vous pouvez, chers auditeurs, réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la cité aux mille visages et au palais Dario. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la cité des Doges et à son palais maudit Cadario. Alors, au XVIIe siècle, le palais n'a plus de propriétaire. Il va bientôt être racheté, dans la foulée, par un riche diamantaire originaire d'Arménie qui s'appelle Arbit Abdol. Mais alors là où ça paraît complètement fou, c'est qu'à peine a-t-il acheté la Cadario que ses affaires se mettent à mal tourner. Est-ce qu'il y a une espèce d'autosuggestion là-dedans? Je sais pas, mais en tout cas, il perd toute sa fortune et il va mourir dès 1670. On dit d'une crise cardiaque, mais enfin, voilà. C'est assez troublant, il faut bien le reconnaître. Alors, plus tard, au XIXe siècle, en 1837 exactement, c'est Rodon Brown qui achètera à son tour le palais. C'est un spécialiste de l'histoire de Venise. Lui est notamment très intéressé par toutes les croyances vénitiennes. Il connaît l'histoire des lieux hantés de la Sérénissime, etc. Et il découvre que les premiers habitants des îles de la lagune offrent à la divinité des eaux des sacrifices humains, figurez-vous. On va y revenir sur ce premier peuplement de l'île et sur cette lagune de Venise dont on ne parle peut-être pas assez. La divinité en question, l'espèce de minotaure local, si je puis dire, est une sorte de crocodile. Notre historien découvre que le canal des orphelins était au Moyen-Âge une tombe commune pour tous les condamnés à mort. Et il découvre que entre 1551, il va tout simplement feuilleter les registres du Grand Conseil au Palais des Doges, entre 1551 et 1604, il y aurait quelque 203 exécutions par noyade dans ce canal, comme si en quelque sorte la lagune avait besoin d'une certaine nourriture, avait besoin de son lot de sang en quelque sorte, de son tribut. Rodon Brown n'ira pas très loin dans ses recherches parce que pour tout vous dire, et c'est peut-être le caractère un peu sombre de ses travaux qui l'y a conduit, mais il va se suicider et il ne trouve pas de meilleur endroit pour le faire que la salle des tableaux du palais Dario. Ben, tant qu'à faire, quitte à aimer les légendes, autant alimenter celles qui existent. Alors, beaucoup plus tard, le palais va être acheté, quand je dis beaucoup plus tard, au siècle suivant, au XXe siècle, il sera acheté par l'Américain Charles Briggs, qui habite là avec son ami, son amant, devrais-je dire. Dans une lettre adressée aux autorités de la ville, Charles Briggs demande une autorisation pour entreprendre des travaux de rénovation. Seulement, son ami va se suicider à son tour dans une des chambres du palais. Alors là, Charles Briggs prend la fuite, il quitte Venise, il va se réfugier au Mexique. Et quelques mois plus tard, en 1954, croyez-moi si vous voulez, on retrouvera son corps dans une chambre d'hôtel à Mexico. La police pudiquement parlera d'un cambriolage qui aurait mal tourné. En 1970, c'est au tour de Filippo Giordano delle Lanze, un riche homme d'affaires, de s'installer dans ce palais Dario. Lui est un fou d'antiquité. On le dit, c'est vrai, taciturne et solitaire. Or, quelques semaines après cet achat, le 19 juillet, alors que la grande fête nautique de Venise bat son plein, Filippo delle Lanze va faire une rencontre qui change sa vie. Voilà ce que nous dit Jean-Paul Bourg. Ce soir du 19 juillet, Filippo est vu sur la plage d'Alberoni en compagnie de quatre jeunes gens. Passablement ivre, il fait le tour par le Florian, le café, avant de regagner le palais Dario. Dans la soirée, la servante qui vient de servir son repas remarque qu'il est dans la bibliothèque avec un visiteur. Elle décrira un beau jeune homme blond vêtu de gris, avec lequel Filippo s'entretenait avec enthousiasme. Le lendemain matin, elle découvre le plateau repas auquel personne n'a touché, et un peu plus loin, le cadavre de son maître, le crâne fracassé par une des statues qui était exposée dans la bibliothèque. C'est vrai que ça commence franchement là à faire beaucoup. Alors, il y a eu toute une affaire, on a découvert qui était son meurtrier, etc. Mais il n'empêche, le bonhomme en question est bien mort dans le palais Dario. Il est venu ajouter son nom à la longue liste des victimes de cet endroit décidément maudit. Quelques temps plus tard, c'est au tour du manager du groupe de rock Les Who, qui s'appelle Keith Lambert, d'acheter le palais Dario. Lui a aussi une vie débridée. Il organise des vraies orgies avec les hommes d'affaires, les banquiers locaux. Il y a toutes sortes de filles nues qui sont là dans ces soirées qui commencent à faire beaucoup parler d'elles. Il fait transformer la fameuse salle des tableaux où il y a eu tant de suicides en studio d'enregistrement. Il installe aussi une fumerie d'opium. Eh bien, en 1981, il se suicide d'une overdose. Où ça ? Tenez-vous bien, dans la salle des tableaux. Alors, il y a deux autres propriétaires, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a deux autres qui ont un peu le même genre de profil. Un qui s'appelait Fabrizio Ferrari et qui était très proche de la fameuse loge P2, vous savez, à l'époque du terrorisme italien. Il versait les pots de vin aux partis politiques, etc. Et la police, un soir, fait une irruption dans une soirée organisée chez lui. On découvre de la cocaïne, des jeunes filles mineures. Par la suite, sa sœur Nicoletta sera retrouvée morte, sans doute assassinée. Quant à Fabrizio lui-même, il perd toute sa fortune et on perd sa trace. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en vie, s'il nous écoute, qu'il nous appelle pour nous rassurer. Mais en tout cas, il semblerait bien qu'il soit lui aussi une victime du palais. Et puis, en 1992, c'est Raoul Guardini qui devient propriétaire du palais Dario. Alors, lui est un condottiere de la finance. Vous imaginez bien que ce sont toujours des gens très riches qui achètent cette maison, parce que acheter un palais sur le Grand Canal, ça n'est pas à la portée de tout le monde, bien entendu. En 1993, une sale affaire, une sombre affaire de corruption est mise au jour dans la fameuse affaire Manupulate, les mains blanches en quelque sorte de la justice italienne. La société qui croulait sous les dettes est en train de s'effondrer. Lui-même est menacé d'un procès, ce qui fait que le 23 juillet 1993, que fait-il d'après vous ? Eh bien, il se suicide à son tour au palais Dario. Alors, ça devient quand même un peu extraordinaire. D'où vient cette malédiction ? Pour être honnête, j'en sais pas grand-chose. Je vais poser tout à l'heure la question à mon invité. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que maintenant, plus personne n'en veut de la Casa Dario. On ne se bouscule pas au portillon pour l'acheter. Le dernier acheteur en date, nous dit-on, n'était autre que le très célèbre réalisateur américain Woody Allen, qui en 1996, visitant ce palais vide sur le Grand Canal, l'a trouvé sublime et à son goût. Il a mis une option dessus, il a voulu l'acheter et puis d'un seul coup, il s'est rétracté. On se demande bien pourquoi. Bonjour Jean-Claude Simoen. Au-delà de la Casa Dario, ce sont tous les mystères de Venise que nous allons essayer d'aborder avec vous. Vous connaissez plein d'histoires sur la Sérénissime. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un cours toujours extrait de la 5e symphonie de Mahler qui a servi de bande originale au film Mort à Venise. Eh oui, Mort à Venise de Luchino Visconti. On ne peut pas entendre ces notes sans voir apparaître dans l'écran imaginaire de nos souvenirs Dirk Bogarde sur son bateau-taxi, justement. Et la beauté d'un très jeune garçon sur la plage du Lido. Et bien sûr, Tadzio sur la plage du Lido, qui donc se trouve sur une des îles de la lagune. On va y venir dans un instant, Jean-Claude Simoen. Alors, avant cela, il faut peut-être qu'on dise un mot de cette maison hantée, de ce palais Dario qui a vu se suicider quasiment tous ses propriétaires. C'est quand même incroyable. Une réflexion très irrévérencieuse. J'oserais presque dire que dans cette litanie fait diversière, on devrait suggérer aux opposants de Silvio Berlusconi qu'il se porte acquéreur du palais. Oui, pourquoi pas? Vous voulez l'obliger à l'acheter, tout simplement. Mais d'où ça peut venir? C'est un simple hasard? Vous croyez que c'est la reconstruction a posteriori? C'est quoi? Je pense que c'est une accumulation de faits divers. Mais quand même, on ne peut pas nier qu'il y a des lieux qui sont oui, portant de mauvaises ondes. Oui, mais on pourrait raconter des histoires comme ça. En Écosse, assurément. Oui. À Vienne, assurément. À Prague, assurément. Je veux dire que les mythologies, la vie quotidienne, le candidaton, la caisse de résonance, tout ça, effectivement... entretient les petites histoires de l'histoire. Alors, vous avez abordé Venise à travers les pinceaux et les stylos, si je puis dire, puisque ce sont l'album est une sorte de promenade. On commence loin de Venise, hein, puis on s'approche petit à petit, on entre, et puis ensuite on va vraiment dans le cœur. Cette progression. Oui, c'est une anthologie du regard. C'est d'abord, ce livre, c'est un... Des peintres et des écrivains. Oui, c'est surtout... une formidable déclaration d'amour à cet espace unique au monde. Je pense qu'il n'y a pas de ville identique, peut-être Amsterdam, oh oui, mais je sais pas, à peine. Je sais pas au même niveau peine, de magie. Voilà, cet espace lagunaire, tous les gens qui sont allés à Venise, tous ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, et on pourrait dire d'ailleurs que c'est une ville que l'on croit connaître, et qu'on est sûr même de bien connaître alors qu'on n'y est jamais allé. C'est ça. Et tous les gens qui sont allés à Venise, y compris plusieurs fois, je suis très surpris qu'ils ne saisissent pas exactement quelle est l'identité lagunaire. Et je leur explique toujours, écoutez, quand vous arrivez à Marco Polo par avion, et que, vous allez prendre le bateau qui va vous emmener vers Venise, il n'y a pas que Venise. Il y a une multitude de petites îles, d'îlots multiples et divers, tous habités. Et il y a cet Murano, espace lagunaire. Torcello, Burano, etc. Torcello. Il y a cet espace lagunaire. Et je leur dis, si vous voulez bien appréhender cet espace unique au monde, faites d'abord le tour de la lagune. Prenez les Vaporetto et allez de place en place, d'îlot en îlot, et abordez à votre retour, c'est-à-dire au soleil couchant, la Sérénissime, c'est-à-dire Venise. À partir de là, vous comprendrez mieux et vous allez appréhender cette ville, cette culture, cette civilisation avec d'autres yeux et un autre regard. Moi aussi, pour tout vous dire, j'ai toujours abordé Venise depuis l'avion et donc le bateau. Mais il paraît, je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que l'arrivée par le train est assez spectaculaire aussi parce qu'on sort de cette gare de Venise qui se trouve assez haut sur le Grand Canal, hein, presque dans la partie vraiment très au nord de la ville. Et on sort, on est directement, on passe quasiment sans transition du train au quai du Grand Canal avec les palais, etc. La transition est violente, oui, c'est ça. On passe du train à la gondole ou du train au Vaporetto. Henri Harvard, qui a écrit un très joli livre sur Venise, dit quand même, arriver par le train à Venise, c'est comme rentrer dans un hôtel particulier par une porte dérobée. Et oui, bien sûr, parce que après tout, ça reste une île. Et donc, il faut bien en prendre la mesure avec le bateau, quand même. Ça, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance la dernière fois, je ne vais pas raconter ma vie, moi je suis allé très souvent à Venise, c'est un endroit absolument merveilleux, c'est vrai. Et la dernière fois, j'ai eu la chance d'arriver quasiment de nuit, la ville totalement, presque déjà ensommeillée, vous savez, et vous arrivez, le petit bateau vous fait entrer comme ça dans les canaux, et vous vous promenez au milieu de ce qui a l'air d'être un gigantesque décor de théâtre. Est-ce que c'était une fin d'après-midi ou c'était déjà le début de la nuit? C'était entre les deux, c'était 22h, disons, oui. Ah, voilà, alors qu'il y a des lumières qui n'existent nulle part ailleurs, qui sont des fins d'après-midi où l'air devient subitement vaporeux, avec cette lumière presque incandescente qui va durer, c'est très fugace, ça dure 2-3 minutes à peine, peut-être 4, mais c'est exceptionnel, et qu'on appelle amarande. Ah, et alors, il y a là un coucher de soleil qui va se diluer dans l'espace lagunaire et qui va donner une vapeur orangée. On ne sait plus où est l'eau, où est l'air. Et ça arrive aussi bien l'hiver que l'été. C'est tout simplement magique. C'est poignant. On dit, les Vénitiens disent ça, que Venise a tendance à dilater les émotions. C'est-à-dire que si vous êtes très heureux, très joyeux, c'est pour ça que c'est la ville des amoureux. Si vous êtes amoureux, vous allez connaître littéralement l'extase à Venise. Et puis en revanche, si vous êtes triste, malheureux, si ça ne va pas, alors vous allez vous sentir encore plus triste qu'ailleurs. On a l'impression que tout est agrandi dans cette ville. Alors, tout ça est un problème de prisme. C'est personnel. Bien sûr. Vous n'êtes pas forcé d'être amoureux pour être à Venise. Les émotions sont renforcées. Tant mieux pour vous. Alors, tout est démultiplié. C'est ça. C'est formidable. Mais il y a surtout, il y a un très joli texte de Diego Valeri dans son guide sentimental de Venise qui parle des peintres de Venise, de la lumière qui habite les tableaux de Venise. Et je vous cite quelques lignes parce que c'est tellement exceptionnel. Je pense qu'on n'a rien écrit de plus beau que ce petit texte rarissime. Personne ne connaît Diego Valeri, le guide sentimental de Venise. Il dit « Il n'est pas excessif de concéder, parlant de la peinture, à la météorologie, d'affirmer que le secret de la peinture vénitienne se trouve comme suspendu et répandu dans l'air même de Venise, dans la lumière de ce ciel, multiplié par les miroirs et voilé par les vapeurs de ses eaux. Ce principe axiomatique me semble vrai à ce point que je serais tenté de classer les peintres vénitiens sans tenir compte de l'ordre chronologique d'après l'heure de lumière qui dans leur tableau prédomine. » En plus, c'est bien écrit. Et il ajoute « Et attribuer par exemple Jean Belin et Carpaccio au groupe des Matinaux, Titien, Véronèse et Tiepolo l'Ancien à celui des Méridiens, et Giorgione et le Tintoret et Guardi au Vespero. Ou bien, peut-être mieux encore, j'établirai mes catégories d'après la saison, en distinguant les printaniers des estivaux et de ceux de l'automne, et des deux canaletto qui sont de l'hiver, viendraient compléter le calendrier pictural. » On ne peut pas mieux raconter. C'est un peu l'histoire de votre livre, ça. Comment les avez-vous choisis, tous ces tableaux? Venise a été peinte quasiment par tous les peintres, quasiment. Oui, oui, du moins tous. C'est un modèle obligé, en quelque sorte. Hein. Oui, c'est un passage obligé. Le modèle, c'est une relation de cause à effet. Mais ce qui est très très important, c'est qu'effectivement, comment ne pas être séduit par cet espace lagunaire? Comment ne pas être enthousiasmé par la qualité de l'air du temps, par cette lumière qui n'existe nulle part ailleurs? Et donc, effectivement, c'est ce qui a fait d'ailleurs l'architecture première de ce livre que j'appelle, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mon anthologie du regard. Ah voilà, oui, c'est ça. Du regard et de la sensibilité, car les extraits littéraires que vous avez choisis, sous la plume d'auteurs parfois très connus évidemment, mais parfois beaucoup plus inattendus, sont des extraits aussi lumineux, si je puis dire, que les tableaux que vous y montrez. Nos auditeurs sont très nombreux à réagir, je me doutais que Venise allait faire réagir, tant mieux. Alors il y a des questions, César nous demande par Twitter si la Sérénissime République avait un président. Ben oui, il y avait un président de la République vénitienne qui portait le titre de Doge, qui était élu assez régulièrement, hein, tous les deux ans, je crois. Oui, c'était très souvent renouvelé. Voilà, c'est un régime dictatorial. Oui, c'est une aristocratie républicaine, on va dire. Voilà, c'est ça. Les îlots sont-ils rattachés à Venise, demande Lucie également via Twitter. Eh bien non, Lucie. Venise est elle-même une île. Alors elle est certes rattachée au continent par cette voie de chemin de fer dont je parlais tout à l'heure sur un pont. Et puis, pour le reste, c'est une île. Et tout autour, les îlots sont dans la lagune. Le seul moyen de se déplacer dans Venise et hors de Venise, ça reste le bateau. C'est l'embarcation sous toutes ses formes. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Venise, avec votre invité Jean-Claude Simoin, éditeur, créateur et directeur de la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plon, auteur de Voyage à Venise aux éditions Grund. Avec tous les peintres, tous les aquarellistes qui ont pu donner de Venise des aspects différents, tous singuliers, tous lumineux. C'est un jeu sur les lumières, c'est passionnant. Et puis en contrepoint, tous ces textes, il manque juste la musique de Vivaldi, d'une certaine manière, mais ce serait presque redondant. Est-ce que vous savez qu'en 1922, on ne savait plus du tout qui était Antonio Vivaldi ? Eh oui, c'est étonnant, hein, ça. C'est exceptionnel. Il avait disparu des radars, lui. De même que si on parle de musique à Venise, bien évidemment, on passe à Handel, on pense à plein de gens qui sont illustrissimes, on a complètement oublié, dans la musique baroque, Cavalli, oui, par exemple, qu'on commence à redécouvrir un tout petit peu. Monteverdi, bien évidemment, il a été maître de chapelle à Saint-Marc, mais c'est quand même extraordinaire. L'histoire est ainsi faite que les gloires passe aux oubliettes et remonte fort heureusement grâce à quelques individus un peu cultivés, en tout cas curieux, à la surface. Et vous êtes du nombre, Jean-Claude Simoin. Seule une ville construite dans les airs serait encore plus étonnante, a écrit l'anglais William Hazlitt, mais aucune autre ne peut valoir celle-ci pour sa singularité et le respect qu'elle impose. Si elle se trouvait sur la terre ferme, ce serait une des premières villes d'Europe par sa magnificence, sa forme, sa beauté, telle qu'elle est. Elle est sans rival. Et c'est vrai que les peintres et les écrivains, du reste, ne se sont jamais lassés de la décrire, de la montrer, de l'interpréter, de la vivre, tout simplement. Le plus célèbre des peintres, peut-être, l'un des plus vénitiens, et celui qui a fait de Venise son modèle quasiment unique, c'est Canaletto, évidemment. Quelle belle histoire, Canaletto, parce que il y a en poste à Venise le consul de l'Angleterre, qui s'appelle Smith, et qui va s'intéresser à Canaletto. Et Smith est un homme éminemment cultivé, c'est un aristocrate, c'est un très bon diplomate. Il va s'avérer, au fur et à mesure que les années vont s'accumuler, il va devenir un homme d'affaires, un grand collectionneur. Et l'histoire que je vous raconte est tout à fait étonnante. Il va se prendre de passion pour Canaletto. Il va devenir son premier acheteur, mais très vite, il va devenir son promoteur, son marchand, son galériste, comme on dit maintenant. Et alors, il va lui commander, dans un premier temps, une série de 24 tableaux. Mais très vite, il va s'apercevoir que l'homme qui est maintenant à sa disposition, avec lequel il a lié bourse, c'est-à-dire qu'il a fait compte commun, il va lui commander des vues architecturales de l'intérieur, Saint-Marc, de jour et de nuit. Mais le coup de génie de Smith, c'est, après des années de commerce extrêmement rentable, c'est d'envoyer Canaletto à Londres. Et alors, Canaletto et Smith vont débarquer à Londres, dans la bonne société londonienne, et vont s'apercevoir que l'extraordinaire popularité de Canaletto est telle qu'il y a autant de faux que de vrais dans les collections. Il est facile à copier, il faut dire. Certes. Et quel n'est pas l'étonnement de Canaletto. Mais Canaletto va rester 5 ans en Angleterre, où, évidemment, tout le monde va vouloir acheter son Canaletto. Et alors, il va peindre. C'était vraiment la peinture à la mode, d'une certaine manière. Voilà, il va peindre à Londres. Mais il va peindre à Londres avec le ciel qui ne sera pas de Londres, mais qui sera toujours vénitien. Et c'est donc, on est là presque dans un anachronisme, enfin dans quelque chose de, pour le moins qu'on puisse dire, de paradoxal. Et alors, l'histoire de Smith ne va pas s'arrêter là. Il y a un célèbre Castra, c'est un homme d'affaires, qui, toutes les cours d'Europe s'arrachent, et évidemment Farinelli. Et Farinelli, Smith va faire en sorte de rentrer en contact avec Farinelli, il va devenir son agent pour l'Europe entière. Mais j'aime beaucoup parler de ce consul Smith, c'est pour attirer votre attention sur l'extraordinaire perspicacité du collectionneur qu'il était. Certes, évidemment, il avait la plus belle collection de Canaletto, mais aussi de Guardi. Il va vendre sa collection de son vivant et à sa mort, la deuxième collection qu'il aura confectionnée sera vendue aussi. Je vous cite que quelques titres de ce que possédait le consul Smith. Gino Reni, Canaletto bien évidemment, Rosalba Carriera, Pietro Longhi, Zuccarelli, Tintoret, Véronèse, mais aussi Le Corrège, Guerchin, Bruegel, Giovanni Bellini, les deux, Rubens, Hogarth. Une petite collection pas désagréable. Voilà. Vous savez où sont tous ces tableaux ? Ah mais non, dites-nous. Eh bien, c'est pratiquement la collection vendue de son vivant plus celle vendue à sa mort, c'est à peu près pas loin de 40% des collections actuelles de la reine d'Angleterre. Ah là là. Donc c'est une histoire formidable. Ces fascinantes collections de Buckingham et de Windsor, etc., viennent en fait de ce monsieur. Eh oui, il était d'un goût parfait. Oui, parce qu'en plus, c'était aussi un grand bibliophile. Donc, il a laissé plein de documents, plein de manuscrits. Alors, à propos de bibliophilie, nous avons parlé pas mal des peintres. Venons peut-être aux écrivains, et notamment à ces grands écrivains de langue française. Ils ne sont pas du tout exclusifs. Hein. Vous citez beaucoup d'anglais, notamment dans ce livre. Mais ces écrivains français qui ont découvert Venise, qui en sont tombés amoureux. Il y a évidemment le célèbre président de Brosse, hein, qui arrivait de Dijon, et les lettres du président de Brosse. Alors là, sur l'ensemble de l'Italie, ce n'est pas seulement sur Venise. C'est peut-être mon préféré. Ah oui, ça c'est tout à fait merveilleux. Et même l'histoire des lettres familières du président de Brosse, car elles n'étaient pas faites pour être publiées. Et le président de Brosse... Il écrit un ami, en fait. C'était un pari qu'ils avaient fait à plusieurs départ. Amis. À plusieurs amis. Et quand il va revenir de son périple italien, et particulièrement de Venise, il va s'apercevoir qu'on a réuni un certain nombre de ces lettres et qu'on en a fait... Je ne dirais pas une édition pirate, mais une édition première. Et il est très courroucé, parce que c'est un personnage très important, officiel. Eh oui, c'est un magistrat, un haut magistrat. C'est un haut magistrat, président de la cour de Bourgogne. Et donc, cet homme est un libertin. Or, dans ses lettres familières, envoyées à quelques-uns de ses plus proches amis, il est évident qu'il parlait de ses frasques, et particulièrement vénitiennes, dont... des termes qui ne laissent aucun soupçon sur la puissance du personnage. Un écrivain français actuel, Philippe Solers, a écrit un ouvrage sur un écrivain français amoureux de Venise. C'était Dominique Vivant-Denon, bien entendu, qui a joué un rôle important là-bas, évidemment. Alors, voilà un deuxième personnage qui fait partie de ma galerie, enfin de la meilleure étagère de ma bibliothèque. Le baron Dominique Vivant-Denon vit à Venise à peu près 5 années pleines. Et il revient de quelques ambassades. Vous savez qu'il était très proche de M. de Vergennes, donc il n'était pas un agent de renseignement, mais enfin quand même, il collaborait à la grandeur française, on va dire ça comme ça pudiquement. À Venise, il va tomber amoureux fou d'une dame exceptionnelle, qui est Isabella Toiteki. Et il va lui écrire des lettres. À vrai dire, il sera amoureux d'elle toute sa vie. Elle va se marier 2 fois, mais il aura gardé cette amitié amoureuse avec elle. Les lettres, c'est les lettres à Bettine. Ça a été publié par les éditions Actes Sud. C'est tout simplement un petit chef-d'œuvre. Vivant-Denon est un personnage qui va être inquiété par l'Inquisition. Il va être obligé de quitter Venise un peu rapidement. Et il va revenir en France. Nous sommes à la Révolution française où il risque sa tête. Et fort heureusement pour nous, il va la sauver, et surtout pour Bonaparte qui va devenir Napoléon. Il va devenir, mais ça, c'est une autre histoire. On peut dire presque le conseiller culturel de Bonaparte. Alors, on pourrait citer beaucoup d'auteurs, évidemment. On pourrait citer Proust, bien sûr, dont les deux avant-derniers tomes de La Recherche du Temps Perdu sont plus ou moins consacrés à Venise, d'ailleurs avec des pages absolument merveilleuses. Albertine disparue. Il écrit des choses très personnelles, comme toujours chez Marcel Proust. Il écrit des choses très intimes. Il écrit des choses tout simplement formidables. Il adore se perdre dans Venise. Et il a raison d'ailleurs, parce que le charme de Venise, c'est de pouvoir se perdre. Un jour, Jean d'Ormesson, avec qui je parlais de Venise, me dit « Jean-Claude, grand amoureux de voilà, Venise. Est-ce que vous vous perdez encore dans Venise ?» Je ne m'étais pas posé la question, et je lui en veux avec beaucoup d'amitié, mais je lui en veux énormément, parce que ça fait 40 ans que je vais à Venise, et je ne me perds plus dans Venise. Eh oui, mais dommage. Je n'y avais pas réfléchi. C'est dommage. C'est voilà ce qu'on perd à la fréquentation des lieux. Alors, parmi les grands auteurs de la Belle Époque, il y en a un de la période suivante. Il y en a un qui est peut-être celui qui a le mieux écrit sur Venise. C'est son père qui était l'animateur du cercle littéraire de la Belle Époque. Lui-même va écrire Venise au pluriel. C'est Paul Morand, bien entendu. Alors, le club auquel vous faites allusion s'appelle le club des longues moustaches. Exactement. Et ça vous va bien, ça. C'est extraordinaire parce que il y avait là Jean-Louis Vaudoyer, il y avait Émile Henriot, ce sont des noms qui disent plus rien à personne. Il y avait évidemment Henri de Régnier et il y avait Claude Farrère. Et alors pourquoi le club des longues moustaches? Eh bien, ces gens se réunissaient sous les procuratis au Café Florian. Au Café Florian, il y a une peinture qui représente un mandarin. Et ce mandarin est donc un chinois. C'est une très très jolie peinture. J'invite tous les auditeurs à aller à Venise et aller au Café Florian voir cette peinture qui est absolument resplendissante. Et ce mandarin a des longues moustaches. Voilà l'origine du club des longues moustaches. Jean-Louis Vaudoyer écrivait « Les peintres qui, avec des couleurs et des brosses, se sont enhardis à vouloir capturer ce que l'on voit sur la lagune dans les instants où le soleil descend vers elle, s'unit à elle, ont d'autant plus fatalement échoué qu'ils prétendaient fixer leurs sensations optiques dans leur vérité littérale. Les impressions que, à Venise ou ailleurs, Claude Monet enregistrait sur le vif ne sont guère que de mélancoliques et désappointants papillons morts. » Et vous installez cette citation juste en regard d'un extraordinaire tableau de Claude Monet, une vision crépusculaire de San Giorgio Maggiore. Une explosion de couleurs, on pourrait dire. Une sorte de feu d'artifice. Oui, vous citez Paul Morand. Et je voudrais vous donner un petit texte de Paul Morand qui est une pure merveille. Il monte en haut du campanile et il écrit « Au sommet du campanile, j'embrassais Venise aussi étalée que New York est verticale, aussi saumonée que Londres s'offre en noir et or, l'ensemble est lavé d'averses, très aquarellé, avec des blancs rompus, des beiges morts, relevés par le cramoisi sombre de façades pareilles à la chair du thon. Un air violent secoue la lagune, poussant des nuages aussi légers que ce nouvel voile au nylon des régates au Lido. » C'est bien de savoir écrire. Je ne sais même plus si cette émission était sur Venise ou sur la poésie. Merci beaucoup Jean-Claude Simoen. Votre bel album avec tous ces peintres et tous ces auteurs s'appelle tout simplement « Voyage à Venise ». C'est édité chez Grund et c'est sous un très beau coffret. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Marie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Et elle souhaite connaître le classement des rois de France, l'origine du classement des rois de France. Cette numérotation, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on dit Louis XIII, XIV, XV, XVI, etc. Alors, de leur vivant, au départ, on ne donnait pas de numéro au roi. Vous imaginez bien, dans l'histoire des rois de France, c'est vrai qu'un certain nombre de prénoms reviennent, qui sont les fameux prénoms royaux de France. Charles, Philippe et puis Louis. Tellement de Louis, Louis étant la déformation de Clovis, qui d'ailleurs en soi était déjà la déformation du latin Lodovicus. Bon. Donc, qui a donné Ludovic par ailleurs. Tous ces prénoms revenant sans cesse, ça pose un problème évidemment pour s'y repérer, pour savoir de qui et de quoi on parle. Alors, sous le règne des souverains, on se met à les numéroter, si je puis dire, assez tôt, aux alentours du début du XIIe, XIIIe siècle, mais on les appelle par leur quantième. C'est-à-dire qu'on dit par exemple Louis le IXe, ou l'on dit Louis le XIe, Charles le Ve du nom, etc. Ça, c'est la façon qu'on a de numéroter les rois. Ça ne viendrait à l'idée de personne de dire simplement Charles V, par exemple. Ça ne va venir que beaucoup plus tard. Quand vous lisez des textes de l'époque de Louis XIII, par exemple, vous avez très généralement écrit Louis le XIIIe. D'ailleurs, souvent, on l'appelle Louis le Juste, plus exactement que Louis le XIIIe. C'est sous Louis XIV que là, on a un peu moins XIVe du nom et qu'on se met à, peut-être par facilité ou pour moderniser les choses, à dire Louis XIV. Mais sous le règne de Louis XV, par exemple, les sujets continuent de dire le roi Louis, notre roi Louis. Le roi Louis, quand vous lisez la Gazette, le roi Louis était aujourd'hui à Sainte-Geneviève, etc. L'idée ne viendrait à personne de lui mettre un numéro. Quant aux anciens rois, si vous remontez alors dans les dynasties très anciennes, notamment dans la dynastie mérovingienne, vous aviez plusieurs Childebert, vous avez eu deux Clotaire, par exemple, mais on ne les numérotait pas non plus. On se repérait simplement à leur règne et à leurs grandes actions pour savoir à qui on avait affaire. Vous avouerez que les historiens des 18e et 19e siècles qui ont mis un numéro définitif sur chaque roi nous ont rendu un fier service.